En mai, Arte fait son festival de Cannes. Le cinéma s'invite chez vous avec une programmation exceptionnelle. Rendez-vous ce soir à 20h55 sur Arte avec The Immigrant de James Gray, avec Marion Cotillard et Joaquin Phoenix. Suivi de Do the Right Thing de Spike Lee. Et savourez encore plus de cinéma sur arte.tv. Arte, vous aimez déjà. Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. 55 minutes de radio coûts humains, un thème et 4 épisodes à 17h et même à 23h. Cette semaine, on rediffuse « Les philosophes emprisonnés », une série d'Élise Gruau réalisée par Angélique Thibault. Au départ de cette série, il y a plus de 50 jours confinés et ce besoin qu'a parfois le pouvoir d'enfermer les penseurs, même au temps des Lumières. Mais il y a aussi ces images d'hommes et de femmes en cellule, les murs nus, la fatigue, la solitude et cette pelote de la pensée qui continue de se dérouler. Alors pour commencer, les personnages. Des imprimeurs indiques, des policiers philosophes, des déportés épuisés, une femme de chambre romancière, une historienne dans ses archives et des historiens. Ensuite, le décor. Le donjon du château de Vincennes, la prison de la Bastille, des carrosses remplies de livres, des manuscrits, des lectures publiques et une bibliothèque. Aujourd'hui, 3e épisode, on ouvre la porte. Qu'est-ce que les Lumières? C'est une question à laquelle on a tenté de répondre déjà. La sortie de l'homme de sa minorité. Au XVIIIe siècle. Dont il est lui-même responsable. Parce que manifestement, c'est un mot minorité. Qui apparaît, qui est l'objet des c'est-à-dire métaphores. C'est-à-dire incapacité de se servir de son entendement sans la direction d'autrui. Donner les moyens de penser par soi-même. De courage de s'en servir sans la direction d'autrui. C'est tout simplement une forme d'allégorie. De la raison qui est mise au devant de la scène avec la dimension critique, la dimension polémique que cela peut recouvrir. Si on doit dire qu'est-ce que la lumière, en reprenant l'idée de Kant, c'est bel et bien donner les moyens de penser par soi-même hors de l'influence des autorités. Ça ne veut pas dire qu'on y échappe complètement, ça veut dire qu'il faut apprendre à composer avec, et pour cela, se donner les moyens de réfléchir contre, en jouant au besoin, avec nos guides, avec les censures, avec les contraintes qui portent à l'époque sur la liberté d'expression. La Bastille ou l'exil, Voltaire, Diderot, Sade et les Rousseaux du Ruisseau. Élise Gruau, Angélique Thibault. Au siècle des Lumières, les philosophes n'ont pas toujours été traités en héros, mais souvent condamnés et réprimés par la monarchie absolue. Les puissants aiment la pointe avancée de l'intelligence, à condition qu'elle ne menace pas leurs prérogatives. Mais la répression suffit-elle à arrêter la pensée ? Les idées sont mobiles, et le pouvoir qui use et abuse de la force ne fait que renforcer son discrédit. Comment les idées se sont-elles diffusées malgré la censure du pouvoir royal? Comment les lumières sont-elles sorties de l'obscur, des cachots et des interdits? Des prisons de Paris, de la Bastille à Vincennes, c'est tout un peuple réprimé qui s'empare des idées nouvelles et s'achemine vers une révolution de civilisation. Le projet de l'encyclopédie, y porté par ses éditeurs, par Diderot, par D'Alembert, c'est un projet en apparence assez modeste, celui d'une traduction, pour aboutir à une véritable machine de guerre tout à fait originale. 17 tomes de texte et puis 11 tomes de planches, une dimension exceptionnelle. Le projet de rassembler tous les savoirs de l'époque, savoirs à la fois abstraits, les savoirs nobles, et les savoirs concret, matériel, professionnel, les métiers. Le projet, il est à la fois dictionnaire des arts et métiers. De rassembler des connaissances et surtout de donner une orientation au savoir et à l'esprit critique. Un esprit qui joue avec les possibilités du dialogue, de la contradiction. Et cela, c'est envisageable à l'échelle d'une encyclopédie. Dans cette entreprise donc de totalisation du savoir d'une époque, on va tout d'un coup publier ce qui longtemps était de l'ordre des secrets de métier et était de l'ordre de savoir cloisonné. On a un décloisonnement et une vulgarisation. Tout est désormais visible. Une encyclopédie est suffisamment vaste pour pouvoir abriter des positions en apparence contradictoires, esquisser un jeu dialogique. Et c'est bien ce qui se passe. C'est-à-dire qu'à l'intérieur même de certains articles... Il s'agit aussi de promouvoir d'un article à l'autre, une nouvelle philosophie, le jeu des renvois, une pensée... Eh bien, on propose... expérimentale. Une nouvelle manière de penser. Et d'une réhabilitation de l'homme, du plaisir, donc de la connaissance, et donc une ouverture possible à un progrès que l'on appelle maintenant la philosophie des Lumières. Un des grands témoins, parce que c'est aussi un des critiques et un des soutiens les plus intéressants et les plus importants, je m'arrêterai simplement peut-être sur quelqu'un comme Voltaire. Alain Sandrier. Voltaire qui est à la fois une caution pour l'encyclopédie, il est le patriarche des lettres. On est très fiers de pouvoir exhiber quelques articles signés par Monsieur de Voltaire. Il lit l'encyclopédie, il la lit tout au long de son évolution et de sa production, c'est-à-dire non seulement pendant les années 1750, mais pendant les années 1760. Or, les années 1760, pour lui, ce sont des années décisives, puisque c'est son combat contre l'infâme. Et dans ces années-là, il va prendre la mesure de l'audace et de l'intérêt de l'encyclopédie, oser penser et philosopher devant le pouvoir, parce qu'on ne peut pas publier 20 tomes in folio de manière discrète. Il faut comprendre que ce terme, l'infâme, désigne en fait la religion, ou plus précisément la religion chrétienne en tant que religion révélée. Ça veut dire le combat contre l'idée scandaleuse pour un esprit rationaliste comme Voltaire, que la vérité puisse être détenue par une communauté au détriment des autres, qu'elle puisse être consignée dans un livre qui prétend à l'exclusivité. Voilà ce que c'est pour Voltaire le scandale de la Bible. Ce texte qu'on regarde comme sacré n'a pas plus d'autorité que n'importe quelle mythologie. Il faudrait pouvoir l'interroger historiquement, comme d'ailleurs on a commencé à le faire au XVIIIe siècle. L'encyclopédie commence comme une publication très officielle, presque avec la bénédiction du pouvoir, et suscite les inquiétudes de l'Église. Et à ce moment-là, l'autorisation de publication est suspendue. Michel Delon. Et les philosophes eux-mêmes sont dans un double jeu permanent de radicalité qu'ils vont exprimer de biais et de conciliation avec le pouvoir de contournement. Et dans les exemples de contournement, on pourrait prendre l'article consacré à la Saint-Barthélemy, le grand massacre des protestants à Paris au XVIe siècle, pendant les guerres de religion. C'est pour Voltaire, pour Diderot, pour tous les gens de progrès au XVIIIe siècle, c'est l'exemple même du crime d'État où on a sacrifié une partie de la population parce qu'ils étaient protestants et souvent ils étaient riches et intellectuels. Eh bien, le développement sur la Saint-Barthélemy se trouve non pas à la lettre B, non pas à la lettre S, mais à la lettre J, à Journée de la Saint-Barthélemy. Quelqu'un comme Voltaire, comment ce philosophe a-t-il fait pour faire avancer ses idées tout en échappant à la censure du pouvoir royal ? C'est en effet un électron libre, Voltaire. Très tôt, c'est quelqu'un qui ne supporte pas un certain nombre de joues, qui ne supporte pas d'être enfermé qui ne supporte pas les cloisonnements, d'ailleurs, imposés à son époque par les conditions, les usages. Et il va le payer assez vite, parce qu'il se fait remarquer comme étant un personnage proprement insolent. C'est l'insolence qui lui coûte cher, qu'il l'emmène une première fois en prison. En 1716 et 17, il y reste tout de même quelques mois, une dizaine de mois, à la Bastille, pour des vers insolents contre le régent. Autre expérience, c'est celle de 1726. Il se retrouve pour une seconde fois à la Bastille, beaucoup moins longtemps, quelques semaines seulement, mais on lui laisse le choix de l'exil. La grande démarche d'ancien régime, quand on n'est pas content de quelqu'un, c'est de l'exiler. C'est ce que va éprouver Voltaire, une première fois et temporairement donc, avec ce voyage en Angleterre, et puis définitivement, à partir de la fin des années 1740, alors qu'il est arrivé au fait de sa gloire. Il a été nommé historiographe du roi, il est académicien français en 1746, donc on pense que plus rien ne peut lui arriver, et non. Tout à coup, tout se précipite. Et là, on lui indique clairement qu'il n'est plus persona grata à Paris. Et il sera exilé de Paris jusqu'à son retour triomphal en 1778. Donc il y a vraiment, avec Voltaire, une expérience qui passe par la prison et l'exil, et qui lui donne un certain nombre de leçons qu'il va profondément méditer. La leçon essentielle, c'est que quand on veut s'attaquer au pouvoir, il faut ruser avec le pouvoir. Ça veut dire ne pas avoir peur de mentir, surtout user de tous les masques possibles. On recense plus de 120 pseudonymes dans tous les genres et dans toutes les formes. Une prière ici, un développement historique là, un dialogue philosophique. Produire beaucoup pour enfoncer le pli critique de manière aussi intensive que possible. Dans l'encyclopédie, il y a un article fameux, c'est l'article philosophe. Cet article philosophe paraît du temps de l'encyclopédie, au moment où elle est interdite. Et dans ses derniers tomes, donc qui concernent la deuxième partie de l'alphabet, on trouve, comme une espèce de manifeste, ce bel article philosophe. Ce terme qui a une histoire et une évolution aussi dans la période même du siècle des Lumières, disons très rapidement qu'il y a une ascension progressive, presque programmée, du terme de philosophe. Philosophe, c'est d'abord un personnage qui se place en effet dans cet idéal de sagesse antique, c'est un héritage très noble et très apprécié. Petit à petit, il va se charger d'une tonalité plus proprement polémique, au sens aussi favorable et positif du terme, c'est-à-dire quelqu'un de profondément engagé pour faire émerger, disons, l'esprit de débat, l'esprit de critique qui était porté par tout le siècle. Alors, ah oui, super. Un pied au lit de chevalier. Alors, on on y va, on va attaquer le château. On est des chevaliers. Oui, oui. On marche comme des chevaliers et on attaque le château. Oui, oui. Eh ben, c'est parti. Michel Delon, où nous trouvons-nous ? Dans le donjon du château de Vincennes, qui était depuis le Moyen-Âge un château royal et qui a été transformé au XVIIIe siècle en prison d'État. Une prison peut-être un peu moins noble que la Bastille, qui était dans la capitale même. Et c'est là que Diderot s'est retrouvé en 1749, après avoir été arrêté à la suite d'une dénonciation de son curé et une fouille de police chez lui qui a prouvé qu'il était bien l'auteur d'écrits malpensants, à la fois philosophiques et romanesques. Donc il est amené à Vincennes et d'abord dans le donjon qui était censé être un lieu plus inquiétant encore que dans d'autres parties du château. D'une part, il vient de publier sans nom d'auteur, et il pensait être protégé par cet anonymat, la lettre sur les aveugles, qui est une discussion philosophique où il présente un aveugle qui réfute tous les arguments de l'existence de Dieu par la beauté du monde. L'aveugle dit la beauté du monde, mais je ne la vois pas. Donc l'aveugle devient le philosophe expérimental qui ne croit que ce qu'il touche et qui donc récuse toute théologie. Donc ce thème de l'aveugle met en cause beaucoup des certitudes de la religion et de la morale traditionnelle. Mais Diderot avait également un manuscrit chez lui qu'il n'avait pas encore publié, Les promenades du sceptique. La police était au courant de ce manuscrit. Et par ailleurs, il a publié un roman, Les bijoux indiscrets, les bijoux étant les sexes féminins, dont il imagine qu'il se mettrait à parler et à dire le contraire de ce que la bouche et le haut du corps prétendraient. Et ces bijoux indiscrets mettaient en scène, insultant sa compagne. Certains ont cru y voir une allusion à Louis XV et à la Pompadour. Donc vous voyez, il y a beaucoup de raisons pour lesquelles on pouvait arrêter Diderot. Alors, d'abord, il est dans le donjon et on veut le faire parler. Donc, on exerce la pression maximum. Et il reste plusieurs mois avant d'être libéré à la suite d'un engagement de ne plus jamais rien publier de contraire à l'autorité. Donc vous voyez, toute sa vie, il reste sous l'emprise de ce risque d'être arrêté parce que lui, Diderot, alors d'une part, il n'a aucune fortune personnelle qui lui permet de s'installer à l'étranger et il a sa femme, sa fille... qu'il tient et qui sont parisiens. Ce qu'il fait aussi, c'est le choix de diffuser un certain nombre de ses textes dans un périodique manuscrit pour informer les cours européenne de la vie mondaine, artistique, théâtrale, littéraire à Paris. On a cette situation étonnante pour nous d'un Diderot qui ne peut pas publier ses textes, au sens de qu'il ne peut pas les faire imprimer, et qui les fait recopier à une douzaine d'exemplaires pour les cours européennes, c'est-à-dire pour Frédéric II, pour le roi de Suède, pour Catherine II de Russie, qui sont les premiers lecteurs de Jacques le Fataliste, de La Religieuse et du Rêve d'Alembert. Frédéric II ou Catherine II adoraient lire cette pensée audacieuse, mais parce que ça restait, comme dans la tradition libertine autrefois, ça restait pour quelques-uns, pour une élite. Et Catherine II, ni Frédéric II, n'auraient voulu non plus que ça soit imprimé. Ce que j'appelle la tradition libertine, c'était on peut penser tout ce qu'on veut du moment que cela circule dans un milieu étroit. Et donc vous pouvez avoir, et c'est vrai des libertins érudits du XVIIe, une radicalité extrême de la pensée, parce qu'elle ne doit avoir aucun écho en dehors d'une élite sociale et intellectuelle qui se réserve cette vérité, en sachant que le bon peuple doit croire ce qu'on lui dit et pas réfléchir par lui-même. Tout livre légal devait passer par la censure, recevoir une approbation d'un censeur royal, puis avoir un privilège Robert Danton et être enregistré dans les registres de la communauté des libraires et des imprimeurs de Paris. Donc, tout un processus pour devenir légal. La demande d'un public qui s'élargissait, était considérable. Et j'ai beaucoup étudié les lettres de libraires, les lettres d'éditeurs, d'espions de police, etc. Et je suis convaincu que malgré le fait que l'alphabétisation était assez modeste, quand même la demande littéraire était formidable. La France était entourée de maisons d'édition. Des douzaines de maisons d'édition qui passaient d'Amsterdam, de Bruxelles, de Liège, tout le long du Rhin, en Suisse, à Bâle, à Neuchâtel, à Genève, à Lausanne, jusqu'à Avignon, qui était territoire du pape. Rousseau se faisait imprimer chez Marc-Michel Rey à Amsterdam. On imprimait chez Gabriel Cramer à Genève, comme vous l'êtres personnes et l'esprit des lois d'après à Genève. Du monde. Montesquieu était parfaitement conscient du fait et perdu monde et impossible des lois françaises, puisque le livre n'était pas français. Et les privilèges français n'avaient aucun pouvoir hors de la France. Quelques années après Gutenberg, la réforme s'est explosée et les écrits représentaient un danger. On contrefaisait tous les livres qui se vendaient bien et on écrivait également tous les livres qui auraient été interdits ou qui ont été interdits. Les pamphlets de Luther étaient explosifs. Die Flugschriften, on les appelait en allemand, puisqu'ils volaient un peu partout, ils étaient accessibles à tout le monde, ils s'étaient lus à haute voix, c'était de dynamite vraiment. Et une fois que la réforme a explosé aussi en France, l'État était conscient de ce danger. Bon, vous allez mettez-vous du côté de la courroie, parce qu'il y avait la patinette, c'est impressionnant. Que faire pour maîtriser la presse, l'imprimer? Il y avait un édit du roi vers 1513 ou 30 peut-être, qui imprime n'importe quoi sera pendu. Eh bien, c'était un peu simple comme solution, mais vous voyez à quel point la chose imprimée est vu comme un danger. Et après toute une série d'édits du Conseil du roi au long du XVIe, du XVIIe siècle, et à la fin, on est arrivé à un système de privilèges, de censure, d'approbation et aussi de l'organisation des imprimeries et des librairies très développées. Très important dans la politique de l'État, c'était d'utiliser les imprimeurs et les libraires de Paris comme police. Il y avait une communauté des libraires et des imprimeurs qui monopolisait totalement le livre. Ils recevaient des privilèges Et il faisait la police du livre, c'est-à-dire il allait dans toutes les librairies, les ateliers d'imprimerie pour investiguer et vérifier qu'il n'y avait rien d'illégal et surtout pas de piraterie. Les contrefaçons menaçaient le monopole des membres de cette corporation. Donc vous voyez un État Louis XIVien lié avec une industrie par le moyen du monopole, et cela fonctionnait assez bien. Si la philosophie des Lumières représente un changement par rapport à la tradition libertine, c'est à partir du moment où on a confiance dans l'être humain, on pense que chacun a le bon sens et la chose du monde la mieux partagée, chacun a une raison. Donc si on apprend à lire à toute la population, toute cette population peut accéder à la connaissance. Et alors à ce moment-là, le rapport au savoir est... l'efficacité de la pensée change complètement. Et Diderot est dans une situation de tension entre un ancien régime des textes manuscrits. Il ne faut pas oublier qu'il meurt, le neveu de Rameau, personne n'a entendu parler du neveu de Rameau. Le neveu de Rameau sera publié pour la première fois en 1810 en allemand, dans la traduction de Goethe. Et ensuite, et la première édition française du neveu de Rameau, c'est la retraduction en français de la traduction allemande de Goethe, par un manuscrit qui arrivait de Saint-Pétersbourg. Et donc là, on a ce que j'appelle un ancien régime du savoir. Et Diderot le pratique encore, réservé. Et par ailleurs, il se bat et consacre la moitié de sa vie à l'encyclopédie, c'est-à-dire faire imprimer un état des connaissances au milieu du XVIIIe siècle qui peut être lu par n'importe qui. N'importe qui sait lire pourra y accéder. On voit l'ancien régime de l'écriture et un nouveau régime qui postule l'existence d'un public qui est en train de devenir opinion publique. Et tout à l'heure, nous prenions l'exemple de Diderot arrêté en 1749 pour avoir écrit la lettre sur les aveugles et les bijoux indiscrets, qui est un texte libertin dans la mesure où il met en scène le désir sexuel et ces bijoux qui se mettent à parler. Il y a l'idée d'une autre voix, d'un bas du corps qui s'exprime. Et la revendication d'une liberté que chacun possède son corps et en fait ce qu'il en veut s'exprime soit théoriquement dans des traités de morale et dans des textes qu'on appelle les romans libertins, qui est aussi une littérature satirique contre l'Église. Quand on prend les textes qui sont poursuivis et qui ont un énorme succès, on a Thérèse philosophe et le portier des Chartreux. Et dans Thérèse philosophe, qui est l'éducation d'une jeune femme, elle apprend à penser par elle-même, à mettre en cause les dogmes religieux et à prendre son plaisir avec qui elle entend le prendre, et à un, à deux ou à trois. Et le titre même, Thérèse philosophe. Philosophe, c'est au sens moderne du terme qu'elle apprend à penser. Et ce Thérèse philosophe, à partir des années 1740 environ, est sans cesse réimprimé dans toute l'Europe. et qui est réprimée. Mais là, oui, qui circule. Hein, et la répression va s'exercer, parce qu'on ne connaît pas à l'époque l'auteur, qui est le marquis d'Argence, semble-t-il. La répression va s'exercer contre les imprimeurs et contre les colporteurs qui amènent les ballots de livres. Mais on est dans une société non pas à deux vitesses, comme on dirait, mais à multiples vitesses. Donc, tous les privilégiés qui voulaient avoir ces livres les faisaient venir par leur voiture qui n'était pas contrôlée par la police. Château de Vincennes, on est juste à côté de la cellule où a été enfermé le marquis de Sade. Moi, je vous montre les trois endroits. Et pourquoi Sade a-t-il été enfermé ? Comme étant la cellule de Sade. Alors, qui est une des quand il est libéré sous la Révolution, il se présente comme une victime de l'Ancien Régime et un penseur opprimé par le pouvoir royal. En fait, il est enfermé pour des raisons de droit commun. Il est de 1740, et donc dans les années 60-70, il mène une vie de noble débauché, dans la moyenne de la débauche aristocratique du temps, avec des accès de violence, de fustigation. Il est donc arrêté pour des affaires de droit commun. Mais en prison, on ne va pas dire qu'il devient philosophe, mais d'abord ici à Vincennes, puis ensuite à la Bastille, il réunit une bibliothèque, il lit énormément et il écrit. Et il devient véritablement écrivain et philosophe. Il reste en prison jusqu'à la fin de sa vie sous l'Empire. Et cette fois-ci, c'est en tant qu'écrivain et philosophe malpensant. Vous dites Sade entre en prison et par la prison, par le temps de lecture, d'écriture, il s'affermit en tant que philosophe et écrivain. Pourquoi Sade est-il philosophe ? Alors, il est d'abord subversif comme les autres philosophes des Lumières en récusant la morale traditionnelle et l'ordre où l'Église n'est pas séparée de l'État. Mais au fur et à mesure qu'il avance dans son écriture et dans sa pensée, il fait un amalgame du pessimisme d'autrefois où l'homme était entaché par le péché originel et de cette liberté de l'être humain dans un monde qui n'a pas d'ordre ni de créateur même, et il développe de plus en plus une vision noire de l'être humain condamné à s'entre-déchirer, c'est-à-dire qui récuse à la fois un ordre qui est l'ordre imposé par la religion et l'optimisme des Lumières qui reposait sur la bonté de la nature et la possibilité pour les hommes de vivre entre eux finalement harmonieusement et d'espérer un progrès. Pour Sade, cet espoir est une illusion, donc il développe une vision noire hein, d'une nature qui finalement n'a pas besoin de l'être humain, où l'être humain est un animal comme un autre, et où la vie sociale ne peut être qu'une lutte de tous contre tous. On a une vision pessimiste, radicale de l'humanité. Sade réimpose cette impossibilité pour l'être humain de vivre sans le mal en permanence et la souffrance. Ce philosophe du 18e est à nouveau obsédé par la souffrance, comme des penseurs anciens, alors que les philosophes pensaient avoir délivré l'homme de la peur de la mort, de l'obsession de l'au-delà et de la maladie. Sade passe la moitié de sa vie en prison. Hein. Il entre à une trentaine d'années, il sort, il a plus de 50 ans et il est arrêté sous le consulat en 1801 et il passe à nouveau 13 années de sa vie. Et il meurt à Charenton jusqu'à la dernière minute. Il oppose à la prison cette pulsion d'écriture, et même quand on vient saisir ses manuscrits, il en reprend d'autres, et nous possédons ces derniers textes qui sont de trois romans historiques dont les deux derniers n'ont pas été publiés, mais ont été quand même conservés dans la famille et publiés au XXe siècle. La prison devient l'emblème même d'un régime qui empêche de penser librement. Si hein, le 14 juillet, les manifestants à Paris prennent la Bastille, c'est parce que bon, ils pensent qu'il y a des armes, mais c'est aussi surtout parce qu'on a là un château qui apparaissait comme encore médiéval et qui incarnait un pouvoir d'État répressif. Donc chaque arrestation, chaque incarcération est la preuve que ce régime n'est plus acceptable. Vous avez une réflexion qui s'affirme sur l'arbitraire et sur la nécessité que chaque individu ait droit à sa liberté et à la liberté de penser, de croire, et une réflexion juridique sur la proportionnalité entre les délits et les peines. Et c'est le texte de Beccaria, d'Italien Beccaria, qui vient à Paris pour le faire traduire, et c'est un des textes qui a une importance dans toute l'Europe. La réforme du droit étant un des éléments de la critique d'un ancien régime qui apparaît comme de plus en plus insupportable. La Bastille n'était pas du tout une prison moderne. Et nous avons aussi dressé des statistiques. La plupart des gens sont restés 3 ou 4 mois à la Bastille. Mais bien sûr, beaucoup de pauvres diables ne connaissaient personne à Versailles. Ils étaient donc prudents et souvent ils étaient avertis par les inspecteurs de la librairie. Donc ça, c'est une façon d'éviter la Bastille, jouer avec la police. Et je vois la police de cette époque-là comme d'abord très intelligent. Les inspecteurs de la librairie connaissaient la littérature. Ils connaissaient personnellement les grands philosophes et les pauvres R, les Rousseau du Ruisseau, à côté de Rousseau lui-même. Ainsi, les écrivains, la police vivaient dans le même monde. Et l'inspecteur Joseph Demery, qui est le plus connu à mi-siècle, pendant les Lumières, il a fait une sorte de recensement de tous les auteurs à Paris à cette époque-là, entre 1748 et 52. C'était systématique. Donc la pensée de la police, c'était de connaître cette population d'écrivains et aussi de les juger. De lecture, la salle de lecture. Voilà. Et après, ça va tout droit. Il est très long. Vous avez vu ce bâtiment. Et après, ça va dans tous les magasins, en fait, hein, avec les archives et surtout beaucoup de livres. Mais il y a aussi les archives de la Bastille, bien sûr, qui sont tout au fond, conservées. Et puis, il y a énormément d'estampes, énormément de gravures. Il y a aussi beaucoup de journaux. Enfin, c'est une très belle bibliothèque, Arlette de Farge. On est ici à la bibliothèque de l'Arsenal. Qu'est-ce que c'est que ce Paris au XVIIIe siècle ? Paris, c'est une ville, c'est la capitale, donc c'est une ville royale. Le roi sera au Louvre, après il ira à Versailles parce qu'il n'aimera pas beaucoup Paris. Mais c'est surtout une ville qui est, j'allais dire, véhémente, tonitruante. C'est une ville en mouvement, une ville où on parle beaucoup, on se rêve, une ville bruyante, une ville où on chante, on danse sur les ponts. Il y a aussi beaucoup d'allées et des boulevards où il y a des tréteaux pour du théâtre, etc. Et donc, mais c'est une population qui croise aussi le monde aristocratique. Parce qu'une partie du monde aristocratique, celui qui n'est pas à la cour, dans la cour, habite près d'ici, dans les hôtels du Marais, et donc côtoie la population. Et ils se promènent ensemble. Les aristocrates vont au Palais Royal, aux Tuileries, au Jardin du Luxembourg, et ils y rencontrent les petites marchandes ambulantes, les gens du peuple, fascinés par l'aristocratie, qui viennent même quelquefois toucher l'étoffe, notamment la marquise de Lamballe, dont le sort ne fut pas très enviable au moment de la Révolution. Mais en même temps, il y a de la part de la population une fascination pour l'aristocratie et une indignation, on pourra expliquer, à cause du luxe ostentatoire que représente l'aristocratie. Quant aux aristocrates, il y a, si vous voulez, à la limite, ils sont, comment dire, bien sûr, ils côtoient tous les jours les gens du peuple, mais ils ne les voient pas. Le peuple, de toute façon, sa définition, c'est d'être, entre guillemets, donc je cite, inepte, imbécile et femelle. Donc, c'est vous dire la façon dont il est considéré. Et puis le troisième, alors. Ah oui, et après, il y a le. Je voudrais bien le. Voilà, le 11548. On a ici, donc on parlait des imprimés sans permission, ça s'appelle comme ça. Donc voilà, le nommé Ratelet, dit Laroche, à la Bastille, en 1752, c'est son dossier. Pour avoir fait imprimer, alors lui c'est un imprimeur, sans permission, un ouvrage intitulé « L'école de l'homme ». Il fut interrogé le 4 avril et n'obtint sa liberté que le 1er mars de l'année suivante. L'auteur et le libraire furent aussi arrêtés et restèrent moins longtemps en prison. Qui est enfermé à la Bastille ? Qu'est-ce qu'on entend si on s'approche de la Bastille ? Les Parisiens viennent souvent autour de la Bastille voir ou entendre, comme ils le feront autour d'autres prisons, comme la Salpêtrière et Bicêtre, d'où s'entendent très souvent les plaintes, les gémissements de ceux qui y sont enfermés. Sont enfermés à la Bastille, en fait, énormément de gens au statut social très différencié. Parce que l'emprisonnement à la Bastille, c'est vraiment appartient au roi. C'est-à-dire il se fait par lettre de cachet et on ne passe pas comme d'habitude devant un commissaire de police et une procédure qui est la procédure habituelle avec plainte, interrogatoire, etc. C'est-à-dire que vous êtes embastillé sur ordre du roi. Et en fait, on y retrouve une population extraordinairement hétérogène. Et le mode de traitement est... Alors franchement, il n'y a aucune logique. Il est extraordinairement hétérogène, sauf pour les grands de ce monde, les marquis, les marquises, les duchesses, puisqu'il y en a, les contestataires à la cour. Évidemment, à la Bastille, ils ont beaucoup de confort, ils ont leurs valets, leurs domestiques, ils ont du vin, beaucoup de vin. On a même ici conservé les menus de ces grands personnages. Ils mangent très bien, ils sont très bien habillés, on leur apporte les ongles, on leur apporte leurs vêtements. C'est pas drôle d'être à la Bastille, mais j'allais dire, en un sens, ça va. On leur apporte des livres. S'ils demandent des livres, ils demandent à leurs femmes des livres. Ils demandent aussi beaucoup de vêtements, beaucoup de dentelles. Ils veulent rester dans l'apparence vestimentaire. Et bon, ça, c'est une partie de la prison de la Bastille. Et puis, il y en a une autre qui est sordide, qui est vraiment sordide. C'est-à-dire que les gens sont sur la paille, ont à peine à manger, sont... par moments maltraités, encore que à la Bastille, il faut dire, sont moins maltraités qu'à la Salpêtrière ou à la prison de la Salpêtrière pour les femmes et à Bicêtre pour les hommes. Mais ils sont dans des conditions de misère. Ils peuvent pas demander, par exemple, il y en a un qui supplie qu'on lui donne un crayon pour écrire, parce que tous, ça c'est très frappant aussi dans les plus petits, les gens les plus humbles, ils demandent de quoi écrire et dessiner. Parce qu'au fond, si on embastille, c'est parce que le roi a peur de certains, de certaines personnes dans la population. C'est vraiment une des caractéristiques du pouvoir royal pendant toute une période. C'est de lancer des mouchards dans la population parisienne qui vont écouter aux places, aux carrefours, près des églises. Ils vont écouter, ou dans les cabarets. Quelquefois, ils sont déguisés pour qu'on ne les reconnaisse pas. Et ils vont effectivement écouter ce qu'on appellera après, et qui sont conservés ici, les mauvais propos qui sont lancés contre le roi. Et en fait, le roi qui a besoin chaque semaine, par l'intermédiaire de son lieutenant général de police, qu'il reçoit le mardi matin, il a besoin d'entendre justement ces rapports des mouchards, enfin, et qui ont été recopiés et donnés au lieutenant général de police, pour être au courant de ce qui se dit dans la ville, mais sur la vie politique, entre guillemets, si on peut prendre ce terme peut-être un peu pas tout à fait bon pour le 18e. Et donc on a une population très hétérogène d'hommes et de femmes, qui sont souvent de petites conditions. Et soit ils vont rester 3 mois, soit ils vont rester 20 ans. La population parisienne, même si elle a des moments d'exécration, le roi, elle aime son roi, elle aime, elle le déteste. Et je crois qu'il faut savoir comprendre ça pour arriver à comprendre que la population est prise en une espèce d'étau. Le roi, c'est l'image de Dieu sur terre. Et il y a quelque chose qui est très important, quand la population pense que le roi faillit à sa mission, ce qui est finalement extrêmement grave. Je donnerai un exemple quand Louis XV va partir à la guerre, aux frontières, en Flandre. Il va partir avec sa maîtresse au lieu de partir avec la reine. Et ça, c'est impossible. C'est impossible pour le peuple de concevoir ça. Le roi, il part avec sa femme à la guerre, mais pas avec sa maîtresse. Et ce sera vraiment un véritable retournement dans l'opinion populaire, mais grave. Quand le roi reviendra à Paris, il y aura cette scène extraordinaire qui fait que tout Paris, c'est de la nuit, et tout Paris sera, tous les, comment, les falots, les lumières seront éteintes, et il rentrera dans une capitale absolument sombre, avec un silence absolu. La Bastille est un symbole très fort pour la ville, pour la population. Le jour où les Parisiens montent sur la Bastille, qu'est-ce qu'ils viennent me prendre ? Ceux qui sont montés et qui sont rentrés à l'intérieur, tous les révolutionnaires, hommes et femmes qui sont venus là, et ils faisaient ça aussi dans les châteaux, la première idée, c'est de jeter les archives, de les faire disparaître. Que voilà, on fait disparaître, avant de faire disparaître le roi, on fait disparaître les traces du roi. Puisque c'est la lettre de cachet, c'est l'ordre du roi et qui est considéré comme totalement arbitraire. Et cette omnipuissance, il n'y en a pas supérieure, comparable à celle de Dieu, qui est là totalement, non pas controversée, mais même voilà, flétrie, abîmée, jetée. Donc ça annonce, ça veut dire que voilà, on veut que le système monarchique disparaisse. C'est ce château fort qui représente un ordre intolérable en 1789, après les émeutes du faubourg Saint-Antoine, etc. Donc le XVIIIe siècle est un siècle à la fois de répression des idées et en même temps d'installation d'un débat critique. Absolument. C'est un effet assez contradictoire, mais habituel finalement aux périodes de transition. C'est-à-dire que d'un côté, on a essayé d'instituer une machine de sélection des idées. La censure ne visait pas seulement d'ailleurs à interdire, elle visait surtout à orienter le débat dans un certain sens. Donc on a voulu se donner des armes, des outils, mais ces outils se sont enrayés. Et ce qui devait servir finalement à empêcher ou en tout cas à atténuer certaines positions jugées comme extrémistes n'a au bout du compte que favorisé une dissémination des thèses, une variété des thèses de plus en plus audacieuses à mesure aussi évidemment que le régime lui-même se discrédite, hein, parce qu'il ne faut pas perdre de vue que ce qui est essentiel dans cette fin d'ancien régime, c'est que tout s'enraye. Il n'y a pas que le système de la censure qui s'enraye, il y a aussi les finances, il y a aussi une volonté d'une nouvelle génération de sortir de ce qui paraît être vraiment des usages obsolètes. Merci à Arlette Farge, Michel Delon, Alain Sandrier, Robert Darnton. Merci aussi à Monique Cotteret. Prise de son, Jean-André Giannichini, Michel Gassic, Georges Thau. Mixage, Manuel Couturier. C'était La Bastille ou l'exil, Voltaire, Diderot, Sade et les Rousseaux du Ruisseau, un documentaire d'Élise Gruau, réalisé par Angélique Thibault. LSD, c'est fini pour aujourd'hui. Bibliographie, lien ou pour nous réécouter dans le donjon, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Et les pages, c'est Marie-Bonne Abolivier, Mathias Mégy et Annelise Signoret. Vous pouvez aussi nous podcaster sur l'application Radio France et ailleurs et nous suivre sur Twitter et même sur Instagram. Et